pour 20$ jusqu'à épuisement complet. Les t-shirts sont en vente à la station même, au 405 3e avenue à Limoilou. J'ai chaud, j'ai froid. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie de Marc Chaunet ce soir. Pour le moment, il n'y a que moi. Alors, donc, 2 heures de bon rock progressif. On a plusieurs nouveautés ce soir. On a quelques nouveaux disques aussi qu'on revisite. On vient de recevoir le nouveau numéro du magazine Progressiste, donc c'est le numéro 77. Comme vous savez, Terra Incognita collabore au niveau promotionnel, si on veut, avec le magazine Progressiste, qui est un magazine belge, également avec le magazine Coïd 9, qui est un magazine français. Pour la collaboration avec Coïd 9, c'est plus au niveau des chroniques de disques et les entrevues qui sont dans la revue Terra Incognita. Et je vous parlais de Progressiste. Avec le magazine, il vient toujours une compilation, les indispensables. Donc, c'est ils ont sélectionné les 10 leurs 10 albums coup de cœur pour chacun des trimestres où il y a un numéro de magazine. Et il y a également une compilation qui est fournie par le Classic Rock Society, la compilation intitulée New Species, s'est rendue au volume 14. Donc, ça nous permet de découvrir des trucs, ces compilations-là. On en aura un extrait de la compilation qui va avec le magazine Progressiste dans le deuxième bloc de l'émission. Mais pour débuter, donc, deux nouveautés. Premièrement, Alex Carpani Band, qui était venu nous rendre visite à la convention Terra Incognita il y a 2 ans, donc en 2012, et qui nous présentait les 2 premiers disques. Là, donc, en 2010, il avait réalisé de Sanctuary. Alors cette année, c'est paru fin mars, il a réalisé un troisième album intitulé Four Destinies. Sur cet album-là, il y a des collaborations spéciales, dont David Jackson du légendaire groupe des années 70, Van der Graaf Generator. On entend beaucoup sa marque, sa touche, si on veut, avec les sax, les flûtes, dans cette pièce-là. Une longue suite, puisque sur cet album-là de Alex Carpani, il n'y a que 4 pièces, donc de 2 de 13 ou 14 minutes. Les 4 sont dans les 13 à 14 minutes. Donc, une belle grande pièce d'Alex Carpani d'abord, et ça sera suivi de JPL. Alors, qui est JPL? Jean-Pierre Louveton, de la formation Nemo, qui vient de réaliser un premier disque intitulé 2014 MMX1V. Donc c'est le titre là, c'est en chiffres romains comme ça. Et donc on aura une pièce de premier extrait de cet album de JPL. Mais tout d'abord, Alex Carpani. turning to silver and white. A long breath is coming so light. La forza che dà la vitalità per affrontare la sorte, perché non vinca la morte. Now the faire vers des paradis défendus. Vous n'avez pas assez de temps pour vous et votre famille? Pensez à Gestigroup, un service de nettoyage résidentiel et commercial. Gestigroup vous offre des services d'entretien régulier et de nettoyage spécialisé. Pour le nettoyage des fenêtres, les conduits de ventilation, le nettoyage après construction, le décapage, le cirage de vos planchers ou l'entretien ménager régulier, Gestigroup vous assure un travail de qualité optimale avec une assurance qualité garantie à 100%. Évaluation gratuite. Visa et Mastercard sont acceptés. 1-844-255-LAV, 1-844-255-5283. Visitez notre site web pour les promotions en cours, www.gestigroup.com. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est Michel Marcoux. Cette fois-ci, je ne veux pas vous vendre de bière, mais des t-shirts. C'est la grande liquidation des t-shirts officiels de CKRL. Vous en aurez un pour 10$, 2 pour 15$, 3 pour 20$, jusqu'à épuisement complet. Hé hé. Les t-shirts sont en vente à la station même, au 405 3e Avenue, à Limoilou. J'ai chaud, j'ai froid. À l'adolescence, il suffit souvent d'une oreille attentive pour aider, pour comprendre, pour encourager un jeune à poursuivre ses études et éviter ainsi de décrocher. L'éducation est la clé pour s'en sortir et s'assurer un avenir meilleur. Si votre ado cherche de l'aide et vit des difficultés, parfois, comme parents, on a besoin de ressources. Avec votre jeune, visitez jeunessejécoute.ca. Un message des Ursulines, fiers d'être partenaires de Jeunesse J'écoute. Nicolas Dumont vous invite tous les lundis dès 18h30 à explorer un monde de mariage illégitime aux saveurs country, folk, blues et garage. Bienvenue chez les bâtards. Seulement au 89.1. Alors, de retour avec Bruno et Marc. Oui, puisque Bruno s'est joint à moi quelques instants suite au premier micro. Donc, pour l'émission Terra Incognita. Et donc, on a eu une première demi-heure de nouveautés rock progressif, des pièces et des albums qui n'avaient jamais joué. Et donc, on avait débuté avec Alex Carpani de l'Italie, tiré de son plus récent album et troisième en carrière, l'album Four Destinies, et c'était la pièce Sky and Sea. Vous aurez pu entendre les saxophones et flûtes de David Jackson de Vandergraaf Generator dans cette pièce-là. Et c'était suivi de JPL, Jean-Pierre Louveton, tiré de son plus récent album MMX1V, donc 2014. C'est son quatrième disque. Ça faisait quand même depuis 2005 le troisième qu'il avait réalisé. Remonta à 2005, ça faisait quand même un bout. Alors Jean-Pierre Louveton, c'est le guitariste et chanteur de la formation française Nemo, qui est une des formations françaises de rock progressif les plus importantes, avec Lazuli, les plus actives, que ceux qui peuvent rayonner jusqu'ici en Amérique du Nord. Et donc, c'était la pièce « Je suis roi ». Sur ça, Jean-Pierre Louveton fait tous les instruments, donc sur toutes les pièces. Alors, comme vous pouvez le constater, il a du talent, ce Jean-Pierre Louveton. Donc, pour le deuxième bloc maintenant, on a encore des nouveautés. On va débuter avec la formation Conqueror de l'Italie. C'est cette formation-là, c'est leur quatrième album. Cinquième album, oui, c'est ça, depuis 2003. Donc, le plus récent, Stems, ça vient tout juste de sortir. Et la formation a un peu changé. Il y avait dans ça deux sœurs, il y avait plusieurs musiciens qui ont quitté. Donc, il reste une des deux sœurs et un des membres fondateurs de la formation originale, Conqueror. Donc, le son change. Et finalement, celui qui est le fondateur, c'est un claviériste avec cette chanteuse. Donc, on ira là avec la pièce « Di Notte ». Du plus récent Conqueror. Et ensuite, une nouveauté c'est une découverte que j'ai faite cette semaine de la France. Donc, c'est un peu le même principe. Italie-France, Italie-France, deuxième bloc. C'est de la France et cette fois-ci, cette fois-là. cette fois-là. C'est donc le groupe Spleen Arcana. Spleen Arcana, c'est le projet en fait d'un seul musicien. Puis c'est un peu le même principe que JPL dans le fond, mais cette fois-là, il invite un batteur invité et un autre musicien également avec lui. Donc Spleen Arcana, c'est le projet de Julien Gaulier, un français qui en est pas à son premier essai là, c'est son deuxième. Il avait réalisé un premier en 2009. Celui-ci, l'album s'intitule The Light Beyond the Shades, et c'est une découverte qu'on fait grâce au magazine progressiste le numéro 77 qui vient tout juste de paraître. J'ai reçu ça hier dans ma boîte aux lettres, donc vous pouvez écrire là-bas, vous abonner et vous recevez le magazine accompagné de compilations. Et dans ce magazine-là, il y a des entrevues avec entre autres Lazuli, il y a Univers Zéro qui ont fait un nouveau disque d'accordé que Michel vous a présenté il y a quelques semaines. Il y a Entity, I et Osta Love, qui sont trois groupes que je ne connaissais pas. Et également ce groupe Spleen Arcana. Donc on ira avec la pièce Fade Away. Mais tout d'abord, on y va avec Conqueror. Thank you. Where are you now? Le groupe français Spleen Arcana, tiré de leur plus récent album The Light Beyond the Shadow, The Shades, et c'est la pièce Fading Away qu'on vient d'entendre, et ça, on découvre cette musique cette semaine grâce au magazine progressiste de la Belgique. Et justement, parlant de magazines et de trucs qu'on découvre, il y a Terra Incognita qui nous fait découvrir des musiques grâce à la compilation Terra Incognita. La plus récente, Terra Incognita volume 9, découverte volume 9, il y a le groupe allemand Frequency Drift tiré de leur plus récent album l'album Over, qui est leur cinquième album en carrière. Et on écoutera la pièce Once. Mais justement, je voulais vous parler un peu des spectacles dans la région de Québec. Le spectacle de Adrian Bilou, il y aura lieu. Donc, Adrian Bilou, le guitariste de la formation, il a été guitariste pendant un bon moment dans la formation King Crimson, sera ici avec le Adrian Bilou Power Trio et au band. En tout cas, on va voir à ce moment-là. Le 13 décembre prochain à la salle Sylvain Lelièvre, c'est au Cégep Limoilou. Et les billets sont en vente. C'est pas très cher en plus. Ça vaut la peine. Puis, le groupe Écoline a dû annuler. Ils pourront pas venir tel que prévu le 23 octobre au Centre d'art La Chapelle. Alors, ceux qui ont acheté leurs billets devront se faire rembourser puisque le groupe ne pourra pas. Il y a un conflit puis ça fonctionne pas du tout. Ils viendront pas au Québec. Alors, ça ne sera que partie remise. Donc, on vous tiendra au courant des autres nouvelles côté spectacle qui s'en viennent. Mais tout d'abord, on y va avec Frequency Drift. Yeah. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Maintenant, à La Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à La Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est Michel Marcoux. Cette fois-ci, je ne veux pas vous vendre de bière, mais des t-shirts. C'est la grande liquidation des t-shirts officiels de CKRL. Vous en aurez un pour 10 $, deux pour 15 $, trois pour 20 $, jusqu'à épuisement complet. Les t-shirts sont en vente à la station même, au 405 3e Avenue, à Limoilou. J'ai chaud, j'ai froid. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... Belle. Architecture de la ville future, bidonville. Et si jamais... La fleur de l'âge, Sin City, j'ai tué pour elle, The F-Word. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la civilisation... Boyhood et la fleur de l'âge. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Stéphanie n'a pas gagné de médaille, ni de prix honorifique. Elle ne fera pas de discours et ne signera pas d'autographe. Stéphanie vient de sortir de la résidence Le Portail, une maison de thérapie pour les femmes qui ont des problèmes reliés à la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments. Ce que vous entendez, c'est sa fierté enfin retrouvée. Lisez son témoignage sur résidenceleportail.org. C-K. Cultive tes goûts. De retour avec Bruno et Marc pour la deuxième heure de l'émission Terra Incognita. On a entendu Frequency Drift pour terminer le dernier bloc. Alors là maintenant, on s'en va. On reste en Allemagne avec le groupe Superdrama qui ont réalisé un premier disque. Voilà, c'est des musiciens, le disque intitulé The Promise, c'est des musiciens, en fait, il y a deux musiciens du groupe Argos, Robert Gozen, claviériste et le chanteur, et Thomas Klarman, qui fait la flûte et la basse, et ils participent donc à Superdrama, c'est un très bon disque, puis on reconnaît leur son, puis quand même... Il y a quand même quelque chose de différent d'Argos, là. Donc on comprend que ils sont actifs dans ces deux formations-là, puis ils vont être inspirés de différentes façons pour réaliser ces projets-là. Donc on aura une pièce de Superdrama et on va poursuivre les belles petites surprises ici pour vous avec l'Albero del Veleno de l'Italie. Alors l'arbre du venin, les Radici del Male, ça c'est le titre de l'album. Alors là, la formation, c'est l'Albero del Veleno. Et c'est de la musique de film d'horreur italien. Alors, on aura une pièce de cet album. Laissez-moi vérifier pour que je vous prononce ça comme il faut, là. Du anime nella notte. Alors, voilà, de la formation L'Albero del Veleno. Et on terminera avec une formation de Québec, Shatters, tirée de leur premier disque officiel, puisqu'ils avaient des démos auparavant, L'Abysse des Pensées. Donc, une longue pièce sur cet album, la pièce Open Eyes, Never Lie. Donc, on part en musique, on repart en musique avec Superdrama. Et ensuite, les Italiens, l'Albero del Veleno et Shatters. We'll be right back. all pain and grief. Strong we stood at the dawn of life, had no harm to fear. Life went on and on when we were bold and the world was too gay. Everyone could see we were gods. Everyone could feel pure abundance, sharing our dreams, magic moments, shining on and on like crazy diamonds. Turn the stone, turn the stone. Soon, knock, knock, we were bent to be all we need to comply to the game. Some just broke and some fought back. Neither one escaped. Still, we are what we feel. affection can hurt you when you're warm. Back in the party, turn your head and then face mortality and turn the stone again. listening in majors over.

question. Open your eyes, examine your own reflection. What are you willing to die for? When your back's against the wall and your time's uncertain, consider this question. No standing by when flesh and blood are threatened. What are you willing to kill for? C'était Dream Theater, tiré de leur plus récent album, Dream Theater. Donc, un nouveau son là, avec le nouveau batteur. Et on a toujours les musiciens. Jordan Rudess au clavier, James Labrie aux voix. Et évidemment, ça performe. Et il y a aussi l'orchestre symphonique dans ça qui vient ajouter. Donc, c'est du heavy prog. Un groupe qui roule déjà depuis plusieurs années, là, déjà 12 albums à leur actif. Alors, on va terminer l'émission avec Adrian Belew qui vient nous visiter le 13 décembre prochain à Québec. Alors, les billets sont en vente, procurez-vous-les. Et donc, on ira d'une pièce de King Crimson, une pièce des années 90, la période 90, Dinosaur, interprétée avec Adrian Belew sur Belew Prince, The Acoustic Adrian Belew Volume 2. Alors, on y va avec Dinosaur. Et c'est une transition avec l'autoroute. Vincent et Jacques sont là pour l'autoroute. Alors, on y va en musique comme ça. C'était Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet à l'animation, choix musical, dans cette édition de Terra Incognita du 23 août 2014. Et on vous laisse sur la musique de Adrian Belew. We'll be right back.